بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره على نعمه العظيمة، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن يتقبل منا جميعا أعمالنا. وبعد، فنواصل في دراسة كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، سائلين الله جل وعلا المولى الثبات والتوفيق والسداد. وما زلنا في دراسة باب مقلب القلوب وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، كما في سورة الأنعام. Donc on va continuer, inshallah. On est toujours sur l'étude de ce chapitre qu'a évoqué l'imam al-Bukhari, l'auteur du livre de l'unicité, le chapitre concernant مقلب القلوب, celui qui tourne les cœurs. Donc on avait dit que l'intitulé du chapitre, c'est « Babu Muqallib al-Qulub ». Ensuite, l'auteur, l'imam al-Bukhari, a cité le verset 110 dans Sourate al-An'am, la Sourate les bestiaux, « Wa nuqallibu afidatahum » lorsqu'Allah dit « Wa nuqallibu afidatahum wa abasarahum » et certes, nous tournons leur cœur et leurs yeux, comme c'est traduit, comme on trouve de nombreuses traductions qui traduisent le verset de cette manière. Et Cheikh Al-Uthaymeen, dans son commentaire, donc il nous a expliqué le sens de cela dans le verset. Pourquoi ? Puisque dans un premier temps, on a expliqué l'intitulé du chapitre, le titre, si vous voulez, et dans un deuxième temps, on a étudié le verset. Donc dans la dernière allocution, on a étudié le verset lorsqu'Allah Jalla Wa'ala, comme on l'a dit précédemment, nous dit « Wa nuqallibu afidatahum wa abasarahum ». Quel est le sens de cela ? On a dit dans une traduction relative, Allah Jalla Wa'ala nous dit « Et c'est lui qui tourne ». Et ils tournent leur cœur et leurs yeux. Quel était le sens de cela? On l'a appris là, la fois dernière. Donc on avait expliqué quel était le sens de « Afidatahum ay qulubahum » c'est-à-dire c'est les cœurs, « wa basarahum ». On a dit que Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son commentaire, il dit que c'est le pluriel de « al-basar ». Même si on retrouve que certains savants font allusion au fait que ça serait le pluriel de « basira », on a dit que lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, penche vers le fait que Abasarahum, c'est le pluriel de Al-Basar. Donc le sens, ça serait que leurs yeux, leur vision, leur vue est détournée. Alors que par exemple, leurs yeux, leur regard est porté sur l'obéissance, ensuite il peut être porté sur la désobéissance. Donc Allah Jalla Wa'ala peut tourner leurs yeux dans ce sens-là. Et c'est pour cela que la réussite dans ce qu'on regarde, la réussite à travers ce qu'on voit avec nos yeux, eh bien, ils font revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde la réussite et le succès en cela. C'est-à-dire d'utiliser ces yeux-là dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on avait dit que pour bien comprendre le verset, pour bien comprendre le thème, alors il fallait étudier la suite du verset. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que l'auteur lui a mentionné une partie du verset. Il a mentionné cette partie « wa nuqallibu afidatahum wa basarahum ». Il a mentionné cette partie-là du verset. Et pour bien comprendre ce verset, il fallait prendre la suite du verset, essayer de comprendre la suite du verset. Pourquoi ? Parce qu'avec la suite, on comprend mieux, et c'est le sens de ce verset. Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'avec la suite, Allah Jalla Wa'ala dit qu'il a tourné, il tourne à « wa nuqallibu afidatahum wa basarahum ». Et on tourne leur cœur et leurs yeux, comme ils n'avaient pas cru la première fois, du fait qu'ils n'ont pas cru. Donc pour cause qu'ils n'ont pas cru la première fois, alors Allah Jalla Wa'ala a tourné leur cœur et leurs yeux. Et on les laissera, Allah Jalla Wa'ala, dans une traduction relative, hein, dans leur injustice. Ya'mahoun. Donc Allah Jalla Wa'ala a dit « Ya'mahoun » à la fin du verset. « Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahoun » Et on avait expliqué, on avait traduit le sens, hein, approximatif du verset, on l'avait expliqué. Donc on avait dit, c'est pour cela on avait fait rappel que lorsque la vérité nous est exposée, elle est face à nous, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, quel qu'en soit le prix. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, celui qui n'accepte pas la vérité, lorsqu'elle est face à lui, alors il peut être éprouvé par ce malheur, ce grand danger. Le fait qu'ensuite les cœurs soient tournés et que la personne ensuite ne soit plus guidée vers cette vérité. Donc c'est pour ça, la vérité, lorsqu'elle nous est exposée, alors il faut faire beaucoup d'invocations pour qu'Allah fasse, qu'on fasse partie de ceux qui acceptent la vérité lorsqu'elle est face à eux, et quel qu'en soit le prix, même si c'est au détriment de sa personne, dans le sens, même si ensuite la personne, eh ben, il voit sa parole dévalorisée, lorsqu'il voit que, en acceptant la vérité, eh ben, il va ne pas valoriser sa personne, et donc il va éviter de défendre son propos et son opinion, son avis dans le faux. Et ça, c'est un travail à faire sur soi-même. Il y a des parents, des personnes, pardon, qui des fois vont défendre leurs opinions, leurs paroles, alors qu'ils savent qu'en réalité, c'est faux. Leur parole est fausse et leur opinion est fausse. Donc, ils ont été confrontés à la vérité, mais il est trop difficile pour eux de revenir à la vérité. Donc, ensuite, ils vont défendre aveuglément et faussement leur opinion et leurs paroles pour ne pas, comme on l'a dit hein, précédemment, en quelque sorte, perdre la face. Et ça, c'est un travail, un grand et un énorme travail à faire sur soi-même, d'accepter la vérité lorsqu'elle nous est exposée pour ne pas être atteint par ce malheur, cette moussiba, hein, cette calamité. Pourquoi? Parce qu'on avait évoqué même la parole, hein, on avait fait le rappel que, comme le disait le savant de l'islam Ibn Taymiyyah, dans une très belle parole, il disait, celui qui n'accepte pas la vérité peut être éprouvé par l'acceptation du faux. Et puis on avait conclu avec cette très belle parole. Cette très belle parole de Sheikh Al-Athaymeen, lorsqu'il dit que celui qui revient à la vérité, eh ben, il va goûter à la douceur de cela. C'est-à-dire qu'il y a une douceur en cela, il y a un délice, un plaisir en cela. Le fait, وَمَا أَلَذُّ رُجُوعَ الْإِنسَانِ إِلَى الْحَقِّ حَتَّى إِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ مَا يَقُولُ أَوَّلًا يَجِدْ فِي هَذَا لَذَّةً عَظِيمَةً. Et il le dit très bien, il dit, quel délice du fait de revenir vers la vérité. Il dit, même si la personne revient à la vérité alors que c'était contraire à ce qu'il disait au début, c'était contraire à son opinion et à sa parole, il dit, il va trouver un plaisir, il va trouver une sorte de délice en cela. Il y a une douceur en cela. لأن الله فتح على قلبه حيث آمن بالحق أول ما جاءه. Regardez, parce qu'il dit cette très belle parole. Il dit pourquoi? Parce qu'Allah Jalla a ouvert son cœur à cette vérité la première fois qu'elle lui est venue. Dès que cette vérité elle lui est venue, Allah Jalla a ouvert son cœur. Et donc, ou plutôt, il dit, de manière plus précise, il dit, Allah Jalla a ouvert son cœur du fait, pour cause, que la première fois que la vérité lui est venue, il l'a acceptée. Et de ce fait-là, lorsqu'on accepte la vérité, la première fois qu'elle nous vient, on l'accepte directement, sans discussion, alors ça c'est la cause qu'Allah ensuite, Jalla, c'est l'une des causes pour qu'Allah Jalla ouvre notre cœur. C'est pour cela qu'il dit, وَبَعْضَ النَّاسِ نَسَى اللَّهَ لَنَا وَلَكُمَ الْهِدَايَةَ يُحَاوِلْ وَيُجَادِلْ لِقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ أَوَّلًا حَتَّى لَا يُهْزَمْ فِي نَظَرِي والحقيقة أنه مهزوم إذا أصر على الانتصار لقوله ولا للحق لكن لو رجع إلى الحق وانقاد فهذا هو المنتصر حقا انتصر على نفسه أولا وانتصر على الباطل ثانيا ثم قال الشيخ العثيمين وكأنه يميل إلى أن المراد بهذا البصر لكن لفظها يدل على أن المراد بها البصر وهو الذي يجمع على الأبصار كما قلنا إن تقريب البصر أن لا يهتدي إلى رؤية ما فيه رضا الله جل وعلا بل ينظر إلى معاصي الله عز وجل ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب. فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: سبق لنا في الأيمان، في كتاب الأيمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلف بهذا كثيرا، ويحلف بقوله والذي نفسي بيده كثيرا. والمراد باللا هنا للتنبيه والتوكيد، خلافا لمن قال في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، قال إنها للنفي. المعنى: لا صحة لمن تزعمون من إنكار البعث، لا صحة لما تزعمون من إنكار البعث، أو لا أقسم، لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، لكن الصحيح هو ما قررناه أولا أنها للتوكيد. Donc on va continuer, donc on a avancé un peu dans l'explication. Après avoir mentionné donc ce verset, l'imam al-Bukhari mentionne le hadith. Le hadith avec sa chaîne de transmission lorsqu'il dit « Hadathani Sa'id ibn Sulayman, an ibn al-Mubarak, an Musa ibn Uqba, an Salim, an Abdillah. Qala aktharu ma kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yahrifu la wa muqallib al-qulub. » Ensuite, le hadith que va mentionner l'imam al-Bukhari dans ce chapitre, après avoir mentionné donc le verset de Sourate Al-An'am, il dit, donc d'après Abdullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait fréquemment le serment, il jurait fréquemment en disant la wa muqallib al-qulub. Il dit aktharu ma kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam yahlifu, c'est-à-dire la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam jurait le plus fréquemment. D'une manière plus précise, la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam jurait le plus fréquemment, c'était la wa muqallib al-qulub. La wa muqallib al-qulub. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jurait de cette manière. Et là, le compagnon Abdallah nous dit qu'il jurait fréquemment de cette manière. Et donc, d'une manière plus précise, il est dit que c'est de cette manière dont il jurait le plus fréquemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans son explication, l'auteur du commentaire, en l'occurrence Shamla Thaymin, dit que sabaqa lana fil ayman anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yahlif bihada kathiran. Il dit que l'explication à cela est venue dans l'explication du chapitre concernant les serments. Donc dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, du même auteur, il y a un chapitre concernant les serments. Et lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, a bien expliqué. Donc il a expliqué cela dans le chapitre des serments. C'est pour ça qu'il dit « Sabaqa lana fil ayman anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yahlif bihada kathiran. » Il dit « Il a certes été vu, on a étudié précédemment, dans le chapitre des serments, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jurait fréquemment de cette manière. » Et ويحلف بقولي, et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait des serments ou bien il jurait, il utilisait une autre manière aussi qui était walladhi nafsi biyadi, une manière courante et fréquente chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il jurait, il disait fréquemment walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Vous avez vu dans de nombreux récits, hein, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jurait, faisait le serment par cette expression-là, en disant plutôt, en disant cela. Il faisait le serment par Allah, de cette manière-là, en disant « Walladhi nafsi biyadi »« Walladhi nafsi biyadi » par celui qui détient mon âme entre ses mains. Ainsi, ça c'est une première précision concernant l'explication de ce hadith. Donc la manière qu'utilisait le prophète sallam pour faire le serment. Parmi sa manière, comme on le voit ici, les manières apportées, il disait « La wa muqallib al-qulub » Il disait ça comme de cette manière « La wa muqallib al-qulub » Et il nous a rapporté aussi, par exemple, parmi les manières qu'il utilisait fréquemment, le prophète, en salam, le fait qu'il disait « Walladhi nafsi biyadi » Parmi les autres points importants du récit, on voit que lorsque l'imam al-Bukhari, l'auteur lui-même, il rapporte ce récit en mentionnant la chaîne de transmission, alors cette chaîne de transmission remonte à Abdallah. Comme il le dit, حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله. Donc la chaîne de transmission, elle remonte jusqu'à Abdallah, le compagnon. Et c'est le compagnon ensuite, Abdallah, qui dit que la manière dont jurait le plus fréquemment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la wa muqallib al-qulub. Voilà le récit, ça c'est le hadith. Sauf qu'il ne nous est pas mentionné quel est ce Abdallah. L'imam al-Bukhari a mentionné la chaîne de transmission en disant ensuite à la femme, d'après Abdallah, c'est-à-dire que le dernier rapporteur ensuite, Salim, il dit d'après Abdallah. Et là, il va mentionner directement que la manière dont jurait le plus fréquemment le prophète, c'était, il va mentionner la manière. Et donc, quel est ce Abdallah? Quel est le compagnon? Cheikh Ibn Athaymin nous dit que c'est Abdallah ibn Omar. C'est le célèbre compagnon, Abdallah ibn Omar, fils lui-même de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhuma, qui était le deuxième calife de l'islam. Donc, c'était le fils, hein, du deuxième calife de l'islam. Et donc, le compagnon qui rapporte cela, c'est Abdallah ibn Omar. Et l'indice à cela, comment on déduit cela? Alors, les grands spécialistes du domaine, comment ils vont déduire cela? Par rapport à celui qui rapporte de Abdallah, qui est Salim. Et il est célèbre dans les chaînes de transmission que parmi les rapporteurs, ceux qui rapportaient de Abdallah ibn Omar, il y avait Salim. Salim. Donc, il fait partie des rapporteurs qui, justement, nous rapportent selon Abdallah ibn Omar. Donc, ça, c'est un indice, hein, qui prouve et qui indique que le compagnon, même s'il est mentionné de manière générale, sans qu'il ait précisé qui il était, il est dit Abdallah. Ici, on a une précision que c'est Abdallah ibn Omar. والمبهم من الرواة يمكن أن تستدل على تعيينه بتلاميذه أو مشايخه. Et de ce fait, parmi les règles, hein, parfois, on peut déduire, lorsque un transmetteur est mubham, en d'autres termes, lorsqu'il n'est pas cité clairement, hein, alors comment on peut déduire? Comment on peut déduire? Alors, par, justement, ses élèves ou bien ses mashayikh. Par ses élèves. Pourquoi? Parce que les transmetteurs ont des élèves qui sont célèbres, des gens qui rapportent d'eux, et ils ont des mashayikh aussi, ils ont leur maître et leur mashayikh. Donc, par rapport à leur maître, leur mashayikh ou bien leurs élèves, alors on peut déduire d'une manière claire, on a une indication sur la précision du transmetteur qu'il est. En l'occurrence ici, il y a une indication qui est claire, hein, que c'est Abdallah ibn Omar. Donc, celui qui nous rapporte ce récit. Et en ce qui concerne maintenant le sens, là où mon qalib, donc maintenant une petite précision dans les subtilités de la langue arabe et les règles de la langue arabe, هل هذا إثبات أو نفي? Est-ce que le là, vous avez vu, il y a la particule de négation ici, là. Maintenant, la question, après observation, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Athaymine, nous dit, est-ce que ce là, c'est vraiment la particule de négation, c'est un la, cette particule-là, elle veut vraiment dénoter la négation, ou bien elle va dénoter l'inverse, sous-entendre l'inverse, l'affirmation, la confirmation. Il dit, Huna la, an-nafiya dakhalat ala al-qasam. Il dit, pourquoi? Parce que là, si c'est un la, c'est le la, an-nafiya, de la négation. Lorsque le lam, cette particule de négation, elle rentre dans un serment, alors le sens voulu, c'est la confirmation. Ce qu'on appelle el-muradu, el-ithbat. Ce qui est voulu, c'est el-ithbat, la confirmation. À titre d'exemple, vous avez par exemple dans la sourate al-Qiyamah, le verset 1, lorsqu'Allah Jalla dit « La uqsimu bi yawmi al-Qiyamah » par exemple. Ou bien dans la sourate al-Balad, la sourate al-Balad, le verset 1 aussi, lorsqu'Allah dit « La uqsimu bi hadha al-Balad » La uqsimu bi hadha al-balad. Vous avez vu que le la est rentré ici dans un qasam, dans un serment. La uqsimu bi yawm al-qiyamah. Voilà, et dans l'autre verset, la uqsimu bi hadha al-balad. فالصحيح أنها للتنبيه والتوكيد خلافا لمن قال في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة قال إنها للنفي والمعنى لا صحة لما تزعمون من إنكار البعث. Donc, Cheikh Ibn Athaymine, ensuite c'est pertinent parce que lorsqu'il nous a mentionné ces deux versets, comme on a dit hein, précédemment, le verset de Sourate Al-Qiyamah et de Al-Balad, les premiers versets de ces deux sourates, et donc il y a le serment. Il y a dans la première sourate Al-Qiyamah, dans cette sourate, Allah fait le serment par le jour de la résurrection. Et dans Sourate Al-Balad, Allah fait le serment par Bihada Al-Balad, par la cité. Et là, Cheikh dit le sens, Le sens, hein, ce qui est plus authentique, ce qu'il faut comprendre ici de la langue arabe, lorsqu'il y a la particule la, ensuite il y a le serment, uqsimu bihad al-balad, lorsque le la, cette particule-là, elle va rentrer donc dans un serment, dans la langue arabe, et dit ce qui est authentique, le sens sous-entend, dénote, at-tanbi, une portée d'attention et une confirmation. Et une confirmation. Contrairement à ceux qui vont dire que le la ici vient avec le sens de la négation. Vient avec le sens de la négation, comme si ça nierait le serment. Or, il y a le serment. Allah fait le serment. Mais le « la » qu'on entend ici, « la uqsimu biyawm al-qiyama » par exemple, ou « la uqsimu bihad al-balad » comme dans ces sourates-là, le « la » en réalité vient dans un sens ici, sous-entend le sens de « at-tanbi », c'est une portée d'attention, « at-tawkid ». C'est pour ça qu'en français, ça a beaucoup été traduit, ces versets-là ont été traduits « non » je jure par le jour de la résurrection. Ou bien, non, je jure par la cité. Ça a beaucoup été traduit de cette manière. Donc, ce qu'il faut le comprendre, hein, c'est une belle précision dans la langue arabe que nous fait Charles Al-Thaymin ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une portée d'intention, une confirmation. Et donc, Allah Jalla fait le serment par le jour de la rétribution et fait le serment aussi dans l'autre sourate par la cité. Mentionné dans le verset. Et donc, Allah, lui, comme il est le créateur de cet univers, de cette création, Allah peut jurer. À lui, il lui appartient de jurer par sa création. Tandis que pour ses serviteurs, pour nous, il nous est interdit de jurer par la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, il nous incombe de jurer par le créateur de cette création. Mais lui, le créateur de cette création, peut jurer. À lui, il lui appartient de jurer par sa création. Et ces précisions-là, elles sont importantes parce que ces précisions-là, elles nous permettent de comprendre les versets du Coran d'une manière plus juste. Et regardez par exemple, lorsqu'on vient à Surat al-Qiyama, dont fait allusion l'auteur Shamil al-Athaymin, lorsqu'il dit, Allah Jalla dit dans le verset, « La uqsimu biyawm al-Qiyama ». Traduction native, beaucoup l'ont traduit en disant, « Non, j'en jure par le jour de la résurrection ». Regardez, Allah Jalla fait le serment par le jour de la résurrection. Et il y a un grand appel dans la sourate. Wala uqsimu bin nafsin lawwama. Non, j'en jure par l'âme. Par l'âme aussi. Bin nafsin lawwama. Ayahsabu l'insanu an lan najma'a 'idama. An lan najma'a 'idama. Est-ce que l'homme s'imagine-t-il que nous ne pourrons jamais regrouper ses ossements? Et là, donc, Allah Jalla fait allusion à la résurrection. Donc, Allah Jalla wa'ala fait le serment. Et là, Allah répond à ceux, à l'époque, les polythéistes, qui reniaient la résurrection et le fait qu'ils seront ressuscités. Et donc, Allah Jalla wa'ala dit, l'homme s'imagine-t-il que nous pourrons jamais regrouper ses ossements? C'est-à-dire, après qu'il va devenir des ossements, que son corps deviendra cendre et ossement, si vous voulez, ou poussière et ossement, il pense qu'il ne sera pas ressuscité. Et donc ça, c'est en ce sens à Surat al-Qiyama. Et dans Surat al-Balad, dans la Surat al-Balad, lorsqu'Allah dit, on pourra le traduire de cette manière, non, j'en jure par cette cité, et Allah Jalla wa'ala fait part au prophète, sallam, qu'il en sera bientôt le maître de cette cité. Et Allah Jalla wa'ala, regardez dans les versets qui suivent, Allah dit « لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ » « لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ » Et nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte, une traduction relative « فِي كَبَدْ » C'est vraiment ça, ça dénote vraiment une vie de lutte. Donc on voit que là, la personne a été créée, et dans cette vie d'ici-bas, eh ben, il va mener ce long combat, cette longue lutte dans la patience, hein, dans la patience et l'observance des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette lutte contre Shaitan, dans la patience face à l'adoration d'Allah, face aux interdits, face aux décrets d'Allah. Donc ça sera une vie de lutte. On comprend donc que dans cette vie d'ici-bas, ça sera pas facile, ça sera difficile. Donc la personne devra faire preuve d'endurance, persévérance, de constance. Et donc on comprend dans ce verset il y a un grand appel. C'est pour ça qu'il est bon lorsqu'il y a des sourates, lorsqu'Allah Jalla par exemple fait un serment, de lire ensuite les versets qui suivent. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que comme nous a expliqué Cheikh Ibn Athaymine dans cette précision, lorsqu'il dit, par exemple, avant le serment, lorsqu'il y a le la qui rentre dans le serment, ça sous-entend un sens, hein, le sens, un tenbi et un tawkid. Donc, ça sous-entend aussi bien une confirmation qu'une portée d'attention. Donc, une portée d'attention sur ce qui va venir. Une portée d'attention sur ce qui va venir. Ensuite, c'est pour ça qu'il est important de méditer ça. Ensuite, de bien lire les versets qui vont suivre. Et avec cela, on a terminé l'étude de ce chapitre. Ensuite, l'imam al-Bukhari va mentionner un nouveau chapitre en disant « Babu inna lillahi mi'ata ism illa wahid ». Ensuite, l'imam al-Bukhari va mentionner un nouveau chapitre qu'on étudiera demain, si Allah nous le permet, concernant le fait qu'Allah Jalla wa Ala ait 99 noms. Donc, on étudiera cela avec les textes qu'a rapporté l'imam al-Bukhari dans ce chapitre, Inch'Allah. Avant de se quitter, juste un petit rappel du fait qu'on a vu ces jours-ci, plus d'une personne ont reçu un message. C'est pas tout le monde, peut-être vous ne l'avez pas reçu, mais certains se sont propagés un message concernant un message qui dit. Alors, parfois, le message, il est envoyé d'une manière générale, hein, sans qu'il soit attribué à quelqu'un. Et parfois, ce message est attribué à quelqu'un. En l'occurrence, ces jours-ci, le message a été attribué à un des imams de la Mecque, en l'occurrence, Cheikh Maher, un message disant que celui qui, pendant les 10 derniers jours du Ramadan, pendant ces 10 dernières nuits, alors il donne 1 euro, celui qui donnera 1 euro pendant ces 10 dernières nuits, toutes ces nuits-là, il donne ne serait-ce 1 euro, alors il aura l'équivalent. L'équivalent de 84 années. C'est-à-dire, c'est comme si qu'il a donné pendant 84 ans, il a donné cela. Ou bien celui qui fait 2 rakaat, c'est comme si qu'il a fait cela pendant 84 années. Ou bien celui, ensuite il est dit, celui qui lit Sourate al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qui lui lit 3 fois. C'est comme si qu'il a lu tout le Coran pendant 84 années. Donc là, il y a juste une petite précision pour ceux qui ont reçu ce message, donc beaucoup l'envoient, certains le propagent pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, c'est pas la première année. C'est pour ça qu'on fait ce rappel, c'est pas la première année. Ceux qui ne l'ont pas reçu, alhamdoulilah, ça leur fait un rappel, s'ils le reçoivent. Et ceux qui l'ont reçu, au moins ça vous donne une idée sur certains messages qui sont propagés parfois. Alors, premièrement, on voit que ce message, à la base, il s'est propagé, on le voit qu'il s'est propagé dans les pays arabes. Donc, dans beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays musulmans, ce message s'est propagé. Et surtout, c'est comme si c'est récurrent du fait que chaque année, hein, chaque pendant les mois du Ramadan, les 10 dernières nuits, ce message se propage. Et c'est pour ça que ce message a été réfuté à la base. Pourquoi? Parce qu'il a été attribué et imputé à plus d'une personne. Donc, on voit ces jours-ci, par exemple, il est attribué à Cheikh Maher, l'un des imams de la Mecque. Donc, ils disent, l'imam de la Mecque, Cheikh Maher, a dit cela, cela. Satan a réfuté cela et que le message lui est imputé mensongèrement. Et ça a été imputé à d'autres personnes. Donc, je pense qu'ensuite, ce message a été traduit en français. C'est pour ça qu'ensuite, il s'est propagé en français. Donc, ça a été repris, ça a été traduit. Donc, les personnes qui ont propagé ça de base, ceux qui ont fait ce message, ensuite qui l'ont propagé et imputé cela mensongère à certaines personnes, qui sont-ils? Wallahu, wallahu a'lam. En tout cas, ils l'ont attribué à certains imams de la Mecque et ça, ça a été réfuté. Deuxièmement, le contenu, il y a un contenu qui est faux, contenu qui n'est pas correct, on va dire, du fait que lorsque la personne œuvre, premièrement, lorsque la personne œuvre, c'est pas comme si qu'il a œuvré 84 ans, c'est-à-dire pendant qu'il œuvre dans la nuit du destin. Celui qui œuvre dans la nuit du destin, c'est pas comme s'il a œuvré 84 ans. Mais ce qui nous est dit dans le Coran, c'est que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Donc, c'est meilleur que 80 années. Mais pas équivalent à 80 années. Donc le fait de dire que la personne, par exemple, qui a fait l'aumône de 1 euro par nuit pendant ces 10 nuits, ces 10 dernières nuits du Ramadan, c'est équivalent, comme si qu'il a donné cela pendant 84 ans. Déjà, il y a une autre précision à faire. C'est à peu près 83 années, mais bon, ça c'est une petite précision. On va dire plus de 80 ans. C'est pas équivalent ou ce n'est pas comme, ce n'est pas égal, mais c'est meilleur. Allah, dans la sourate Laylat al-Qadr, dans la nuit du destin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Khayrun min 1000 fi shahr ». c'est meilleur que 1000 mois. Donc cette nuit est meilleure que 1000 mois. Comment on pourrait comprendre ça? Certains savants ont expliqué d'une manière très simple, parce que beaucoup n'ont pas compris le sens meilleur que 1000 mois. Elle est meilleure. C'est dans le sens, tout simplement, qu'une personne qui œuvre pendant, on va dire, 1000 mois. Donc il va faire des actions, en disant que dans ces 1000 mois, il n'y a pas les lettres qadr. Donc pendant 1000 mois, il va œuvrer et va bien agir. Si cette personne, de l'autre côté, on admet qu'une personne va bien agir et accomplir des bonnes actions, fi laylat al-qadr, dans la nuit du destin, et bien sachez que cette nuit-là, les actions en cette nuit-là sont meilleures que 1000 mois. Sont meilleures que 1000 mois. Au niveau du mérite, au niveau de la bénédiction, que ces œuvres, elles sont bénites. Il y a un mérite immense. Donc dans le verset, il nous est dit que c'est meilleur que 1000 mois et non équivalent à 1000 mois. Donc ça, c'est une précision à faire. Donc le fait de dire que c'est équivalent, ce n'est pas correct, mais c'est meilleur. Donc c'est ça, vraiment, ça dénote vraiment l'immensité de et la grandeur de cette nuit. Ensuite, deuxième grande précision, les personnes auraient dû rester sur la propagation, par exemple, des textes, par exemple de la sourate Laylat al-Qadr, de propager, par exemple, la sourate de Laylat al-Qadr, avec des explications, les interprétations de grands savants connus et célèbres et dignes de confiance et connus pour leur savoir. Par exemple, propager les hadiths du prophète, ensemble traduire des hadiths du prophète, ensemble authentiques, concernant les mérites de cette nuit, de la nuit du destin, par exemple, propager des paroles de grands imams vantant les mérites de Laylat al-Qadr, ça, c'était meilleur que de se substituer à la sunna du prophète et au hadith du prophète, ensemble. De se substituer à la sunna en mentionnant que, par exemple, il est bon, il faut donner 1 euro, en spécifiant qu'il faille donner 1 euro par nuit, ou bien qu'il faille faire telle et telle action. Si on regarde dans la sunna du prophète, ensemble, il nous est dit de bien œuvrer d'une manière générale. Donc il y a l'incitation d'un saint du prophète, sans somme, à œuvrer d'une manière générale, d'accomplir des prières, d'évoquer Allah, c'est-à-dire que les bonnes actions sont méritoires. Et il est bon, et le prophète nous a incité qu'il faut bien agir en cette nuit-là. Parce que l'adoration dans cette nuit de Laylat al-Qadr, si on atteint cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Et le mérite, il est immense. Donc il y a une bénédiction. Et ça, c'est une grâce venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne faut pas manquer. Donc en même temps, ça nous fait un rappel sur Laylat al-Qadr. Donc d'une manière générale, les bonnes actions, eh ben, sont méritoires. Et le prophète nous a incités à bien agir. Et les bonnes actions sont méritoires, comme faire l'aumône, comme par exemple le fait de faire du dhikr, le fait de faire de la lecture et de la récitation du Coran, le fait de prier. Toutes ces actions-là sont légiférées et il est bon de les faire. Mais de spécifier qu'il faille donner 1 euro, de spécifier une somme, c'est mukhalif li sunnati nabi sallam, hada khilaf li sunna. Ça contredit la sunna du prophète, le fait que le prophète sallam n'a pas mentionné une somme précise. Et donc, ce qui nous est enseigné, c'est qu'on peut faire l'aumône en cette nuit, il est méritoire et il est bon, il est recommandé de donner en aumône, de venir en aide hein, de ceux qui sont dans le besoin, des nécessiteux. Mais chaque personne donne ce qu'il peut. Et chaque personne donne ce qu'il veut. Et cela est méritoire. Mais de spécifier une somme bien précise, le prophète sallam n'a pas précisé comme cela. Donc le fait de préciser qu'il faille donner 1 euro par nuit et que ça serait équivalent à 84 ans, c'est pas correct puisque on a dit, comme on l'a dit précédemment, c'est meilleur. Le fait d'agir fi laylat al-qadr, c'est meilleur que 1000 mois. Et donc, ce qu'il faut juste retenir de cela, c'est que il est mieux, comme on l'a dit précédemment, de propager les hadiths du prophète, de propager les versets du Coran, avec par exemple, si on veut propager cela en français avec des bonnes traductions, de propager des récits authentiques, des récits nous exhortant. Mais parfois, des gens, même s'ils ont une bonne intention, ce n'est pas tous ceux qui ont une bonne intention parfois qui vont atteindre la justesse et le bon. Combien de gens, comme disait un compagnon, combien de gens qui ont voulu le bien, ce bien-là, ils ne l'ont jamais atteint. Ils n'ont pas atteint ce bien. C'est-à-dire, la simple bonne intention ne suffit pas. Ce n'est pas certains prétextes et arguments de la bonne intention. À partir du moment qu'on a une bonne intention, ça justifie l'action. Non, la bonne intention ne justifie pas l'action. Mais justement, il faut une bonne attention et il faut que cette action soit en conformité avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans la sourate al-Fatiha, on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de ces deux catégories, aussi bien al-Yahoud ou al-Nasara, lorsqu'à la fin de al-Fatiha, on demande à Allah jalla de nous guider vers le droit chemin. Et non le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et le chemin de ceux qui ont été égarés. Des égarés. Donc Allah Jalla fait allusion aux deux communautés précédentes, al-Yahoud ou al-Nasara. Al-Yahoud ou al-Nasara. L'une qui adorait Allah Jalla sans science, sans savoir, elle œuvrait mais sans savoir, et l'autre qui avait le savoir mais qui a délaissé la pratique de ce ilm et de ce savoir. Et lui, le musulman, doit éviter ces deux catégories. Il doit éviter d'œuvrer sans ilm, sans savoir. Pourquoi? Parce que l'ignorance est un mal qui tue. Et il doit éviter de délaisser le savoir qu'il a, c'est-à-dire de ne pas mettre son savoir en application. Sinon, s'il tombe dans l'une de ces deux formes, dans l'une de ces deux caractéristiques, alors il va tomber dans une ressemblance avec ceux qui étaient égarés, c'est ceux qui œuvraient, mais sans science, ou bien ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est ceux qui avaient de la science, du savoir, mais qui ne mettaient pas ce savoir en pratique. Lui, le musulman, doit avoir du savoir et mettre ce savoir en pratique. C'est ça qui nous est demandé. C'est pour ça qu'on C'est pour ça qu'on demande à Allah qu'il fasse qu'on compte parmi ceux qui ont du savoir et qui mettent en pratique ce savoir-là. Ils ont l'ilm, ils apprennent leur religion et cette science-là, ils la mettent en application. C'est ça qui est important. Pour ça, comme on avait mentionné des paroles dans le récit qui est dit que pour Shaitan, il est plus dur de combattre un seul savant que 1 000 adorateurs ignorants. 1 000 adorateurs ignorants. Shaitan, un seul savant, ça va être difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas l'égarer. Pourquoi? Parce que ce savant-là va connaître ses ruses, il va reconnaître ses ruses et ses stratagèmes. Tandis que l'adorateur ignorant, alors il est aisé pour lui de l'égarer. C'est pour ça l'importance de la science et de transmettre et de propager après qu'on ait vérifié, de bien vérifier, ça c'est important, de vérifier et de vérifier vraiment ce qu'on transmet comme rappel, ce qu'on transmet comme savoir, ça c'est important. En tout cas, en même temps, ça nous faisait un rappel sur l'importance de Laylat al-Qadr, de ne pas négliger cela et vraiment, vraiment d'implorer Allah Jalla qu'il fasse qu'on puisse atteindre Laylat al-Qadr. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas s'il sera vivant la prochaine fois, pour le prochain Ramadan. Vous avez vu, on arrive à la fin là. Donc c'est vraiment les derniers efforts. C'est vraiment les derniers efforts. Et le mieux pour que la personne est sûre de l'avoir atteint, Laylat al-Qadr, le mieux c'est de veiller les 10 dernières nuits. Comme ça, la personne, il est sûr. Il est sûr. Même si on sait qu'elle se déplace dans les nuits impaires, ce qui nous est rapporté, la vie, ce qui est juste chez les savants, c'est qu'elle se déplace hein, dans les nuits impaires. Mais le mieux pour être sûr, la personne s'il veille les 10 dernières nuits du Ramadan, alors là, bidhnillah, avec l'aide d'Allah, il est sûr d'avoir atteint Laylat al-Qadr. C'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose d'immense. Vous imaginez, meilleur que 1 000 mois, plus de 80 années. Plus de 80, c'est meilleur. Ce n'est même pas équivalent, comme on l'a dit précédemment, mais c'est meilleur. Ça surpasse, ça dépasse. C'est pour ça que Nassallah Jalla wa Ala an yaj'alana min haula alladhina yudrikuna laylat al-qadr wa an yataqabbala minna siyamana wa qiyamana ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولوالدينا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين